je crois. Elles ont très faim, je crois. Alors moi, j'ai la frousse. Alors je cours. Elles sont à mes trousses, je crois. Elles ont très faim, je crois. Alors moi, j'ai la frousse dans la pénombre de cette grotte. Oh, je ne discerne aucune forme, mais je devine la cohorte. Oh, des bêtes noires aux gueules énormes qui veulent me manger. Alors je jure, oh oui, que l'on ne m'y reprendra pas. J'avais très faim, je crois. Très fin, je crois, mais maintenant j'ai la frousse. Je crois, elles ont très faim, je crois. Alors moi, j'ai la frousse. Alors je jure, oh oui, que l'on ne m'y reprendra pas. J'avais très faim, je crois. Et maintenant, j'ai la frousse. Alors je cours, elles sont à mes trousses, je crois. Elles ont très faim, je crois. J'ai la frousse, alors je jure.